L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association du Florin développe la monnaie locale et met à l'honneur les membres de son réseau ce samedi de 10h à 18h place Charles III. Steven Royer, membre du collectif de citoyens à l'origine de l'initiative Le Florin sur la place, nous explique l'importance d'une monnaie locale. Alors, les monnaies locales, c'est des outils de la transition écologique et citoyenne. C'est-à-dire qu'en fait, on a un outil économique qui va nous permettre de développer un réseau de professionnels, de commerçants, d'entreprises, de le mettre en lien avec des clients, du coup, hein, qui vont être des particuliers, qui vont être utilisateurs de cette monnaie locale. Et en fait, c'est en créant ce réseau-là et en laissant cette monnaie circuler dans ce réseau-là qu'on va pouvoir faire porter des valeurs à cette monnaie. Et donc, du coup, les valeurs que porte le Florin sont les valeurs de la transition écologique et citoyenne. Donc, plus le Florin est utilisé, plus il circule sur le territoire, plus notre territoire, en fait, va être animé par les valeurs de la transition écologique et citoyenne. Bah justement, en parlant de votre réseau, pour la journée du 14 mai, vous avez décidé d'utiliser votre réseau pour les activités et la vente de produits. Comment est-il constitué ? Bah du coup, on laisse la possibilité à nos professionnels qui font partie de notre réseau de prendre un stand pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, on a un réseau qui est très diversifié. Hein. L'idée, c'est qu'avec des Florins, on puisse acheter tout ce dont on a besoin dans notre vie, en fait. Il y a des savons qui vont être vendus, il y a des boulangers, mais il y a aussi des croquettes pour chiens et chats. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Donc là, on a plus d'une vingtaine de stands qui viennent un peu montrer la diversité de ce qu'on peut trouver dans le Florin. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment le plus grand panel possible de diversité. Combien de bénévoles du Florin seront présents ? Oh bah on va tourner hein, au fur et à mesure. Hein. Je pense que sur toute la journée, il va y avoir une quinzaine de bénévoles qui seront là. Mais à chaque fois, sur des créneaux de 3 heures, on va être 5 ou 6 sur la place. Quoi. D'accord. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir présenter l'association aussi, justement, au public, hein, aux passants, pouvoir présenter les actions qu'on a. Et du coup, offrir la possibilité aux gens d'adhérer à l'association. En adhérant à l'association, ils soutiennent le projet. Et également, en adhérant à l'association, ils vont pouvoir devenir des utilisateurs du Florin. Et donc, du coup, pouvoir échanger leurs euros contre des Florins et utiliser leur Florin, donc, soit partout, soit effectivement également sur ce marché, dans lequel on pourra aussi consommer en euros sans aucun souci. D'accord, donc ça va vraiment pouvoir faire les deux, le florin et l'euro. C'est ça, c'est vraiment des monnaies, la monnaie est complémentaire à l'euro. Et du coup, outre l'événement de samedi, pouvez-vous nous parler d'autres futurs projets de votre collectif ? Dans les projets qu'on a en ce moment, ça va être de travailler un peu plus avec les collectivités territoriales. Donc actuellement, il y a la ville de Nancy qui a adhéré au Florin. L'idée, ça va être de pouvoir travailler avec la ville de Nancy pour pouvoir faire des paiement en florin de certains services, donc on a commencé ce travail-là. On continue aussi à discuter avec d'autres collectivités territoriales, donc on espère pouvoir aussi annoncer cette année d'autres adhésions d'autres collectivités et justement de pouvoir entamer ce travail-là avec d'autres collectivités. Et on est aussi également en train de travailler à la dématérialisation du florin, c'est-à-dire qu'on va faire passer le florin numérique. Il y aura toujours les florins billets, comme on a actuellement. L'idée, c'est aussi d'avoir des florins sur une application mobile, ce qui va permettre aussi d'avoir une autre utilisation du florin, de ne pas devoir tout le temps passer dans un bureau de change pour avoir des florins dans sa poche, etc. On l'aura directement sur notre smartphone avec une application. Voilà, ça fait un peu partie des projets du moment pour l'association. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas pour les informations. Et bah, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.